saison, on nous emmène en Égypte. Ce pays est l'un des plus confrontés au monde au trafic d'organes. Tu rentreras dedans, mais en pièces détachées, des bassines pour le sang et la tête surpiquée. Camion d'organes humains à 130 sur le périph, camion d'organes humains sur le volant roule un spliff. On prélève des organes, que tu sois mort ou vivant. Si camion tombe en panne, on partira en courant. Les flics veulent nous trouver, car ce serait illégal. Trafic de mecs crevés, encastrés dans une malle, donne au plus offrant. Il en fait ce qu'il veut, pour nous c'est un jeu, car ici tout se vend. On bosse avec un doc métalleux, schizophrène, la découpe, son domaine, sa faiblesse, les médocs. Deux, trois coups de scalpel pour extraire la cervelle, les cadavres de pucelle, il en a à l'appel. On tranche des annulaires, car on garde les bagues, on arrache des molaires, font des choses à la dague. Nos clients sont médecins, du dentiste au nanti, aux écoutes du malin, on se fournit au fusil. Les dealers au fumoir, notre camion plein de sang, ici le marché noir se fait par des mecs blancs. Est complet, c'est qu'il y a trop de corps. Le produit pue la mort, laisse tout dans un charnier. On nous dit qu'on fait du crime contre l'humanité. En vrai, on file du taf à tous les policiers. Un riche saoudien peut donner 50 briques pour une seule paire de reins estorquée en Afrique. Comme collègue, la mafia à qui on rend service, on peut aller chez toi pour te couper comme Alice. Une croix inversée, accrochée au rétro, des organes congelés à l'arrière, la volée. Camion d'organes humains, le commerce du morbide. Camion d'organes humains, les parois sont humides. Une église anglicane, plus besoin de conduire, on s'arrête pour nourrir les tueurs de vegan. Très peu de concurrence, les organes c'est du boulot. J'ai le monopole en France, mais pas au Kosovo. Le problème c'est les ossements, on sait pas quoi en faire. Balance tout dans un champ, y'a plus de place sous terre. Camion d'organes humains, de l'argent dans la chair. Camion d'organes humains qui laisse un goût amer. Je suis sorti de la salle d'opération et on m'a emmené dans un appartement. Je ressentais encore les effets de l'anesthésie. J'ai dormi un peu et quand je me suis réveillé, il n'y avait plus personne, rien. J'ai juste trouvé 50 euros sous l'oreiller. Maintenant, je suis malade et fatigué et je ressens encore de très grosses douleurs, là.